3:31, observation, conjugation of the immediate future. Je vais travailler. Tu vas travailler. Il va travailler. Nous allons travailler. Vous allez travailler. Ils vont travailler. Here, the verb travailler is conjugated in the immediate future. The first part, the verb aller, changes form according to person. Je vais, tu vas, nous allons, etc. The second part, the infinitive travailler, does not change.